La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Je vais voir la revue à la télé. Oh, bah, je veux voir qui est bien. Alors salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille, édition du dimanche 29 avril 2018. Je vous propose ce soir une sélection de parutions récentes dans le monde des arts sonores du Québec autour des étiquettes Cool & Stuff, Actuel CD et Microclimat. On débute la soirée sans tarder avec l'ensemble d'improvisation libre électroacoustique ILEA. C'est un collectif à géométrie variable qui se consacre à l'improvisation et qui fusionne des instruments acoustiques et des appareils électroniques. L'ensemble a été créé en 2016 sous l'initiative de Kevin Gironnet et ils sont vraiment nombreux à l'animer. On dit dans la documentation que leur éventail musical va de sonorités très acoustiques jusqu'aux rugosités de la musique noise. Ils ont lancé jusqu'à maintenant plusieurs albums qu'on peut retrouver sur Bandcamp, sur l'étiquette Microclimat. Alors, on écoute ensemble une pièce intitulée « Microturbulence » et c'est tiré de l'album « Multicosme ». Thank you. Dérape d'un improbable pont, c'est le titre d'un album lancé par un trio de fugueurs expérimentaux et de noise élastique. Ça, c'est leur expression. Ça a été créé en 2016 à l'improviste, tout simplement. On y retrouve sur cet album Chittakone et Bakam à la guitare préparée, Yannick Chaillé au saxophone soprano et Jonathan à la chanson aux harmonicas. Et ils sont tous un peu aux effets électroniques accompagnant cette pièce. Alors, cette Dérape d'un pont improbable est une rencontre bruitiste qui nous offre, et là j'ouvre les guillemets, des sonorités acoustiques et électroniques indistinctement enchevêtrées, puis peu à peu une gestuelle sonore se manifeste de manière organique suivant l'appel de riffs impulsifs, boucles et interférences fortuites. Je ferme les guillemets, on écoute la pièce intitulée « Moins exubérant » qui illustre bien le dialogue des trois interprètes, Chaillé, Bakam et La Chance. Thank you. On va maintenant écouter Political Ritual. C'est à la fois le titre d'un album et le titre d'un projet mené par les compositeurs montréalais Maxime Corbeil-Perron et Félix-Antoine Morin, cofondateurs de l'étiquette Cool & Stuff Records. Political Ritual, c'est un album qui est en fait une proposition d'architecture sonore tissée d'harmonie et de polarité, construite autour de drones éthérés, de bourdonnements et de martèlement, c'est ce qu'on on tire de leur documentation. On va écouter la pièce qui s'intitule « Cérémonie ». Selon Philippe Desjardins du Canal Auditif, « Cérémonie », c'est une œuvre sonore aux atmosphères brumeuses, inquiétantes. On sent un courant électrique servir de lien à une ligne mélodique d'ordre cinématographique, pas bien loin, dit-il, d'un Blade Runner expérimental. Alors, on écoute « Cérémonie ». Alors, on poursuit avec le quatuor Bozzini, qui a fait paraître en mars un album intitulé « Déjà Koja », qui est le résultat d'une commande d'œuvres autour du compositeur hongrois Gyula Sapo, élève de Morton Feldman et John Cage. On dit de Sapo qu'il est bon professeur de composition à l'Université de la Saskatchewan. L'intitulé de la pièce, déjà Koja, tiré du persan qui signifie « déjà » ou avec des points d'interrogation. C'est un travail épique en trois parties où le timbre et le registre fonctionnent comme une lumière changeante, peut-on lire dans le descriptif de ce beau disque. Depuis sa fondation à Montréal en 1999, le quatuor Bozzini œuvre dans des domaines de la musique actuelle, nouvelle, expérimentale et classique. C'est un groupe d'artistes qui a le sens du risque, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, pour compléter la première demi de l'émission, on écoute la pièce numéro 3 de Déjà Koja du compositeur Gyula Sapo. C'est sur étiquette actuelle CD. Particules sonores, fragments de bruit, au début il y a eu le son. Gaétan Gosselin explore l'univers fascinant de l'art audio avec les artistes dont la matière première est le son. Alors, vous êtes sur les ondes de CKRL, c'est l'accroche-oreille qui vous propose ce soir une sélection de parutions récentes dans le monde des arts sonores québécois et international, autour des étiquettes Cool & Stuff, Actuel CD et Microclimat. Pour amorcer la seconde demi de l'émission, je vous propose qu'on écoute une pièce de De Grail. C'est un projet solo du compositeur bassiste Sylvain Gagné, influencé par le rock expérimental des années 60 et aussi par la scène krautrock allemande des années 70. De Grail nous propose un mélange de sonorités minimalistes. C'est inspiré de tonalité brutiste en grande partie, improvisée. À la basse, Sylvain Gagné y ajoute de nombreux effets technologiques en plus d'ajouts d'enregistrements de sons libres. C'est un musicien chevronné, Sylvain Gagné de la scène expérimentale montréalaise. Il a notamment collaboré avec Martin Messier, Simon Trottier, Maxime Corbeil-Perron, qui sont très actifs sur la scène sonore. Alors, c'est tiré de l'album De Grêle, on écoute Rien dans les poches. Et vous retrouverez ça sur étiquette Microclimat. Thank you. Je vous propose maintenant une pièce tirée d'un album récent de Liz Hellman qui s'intitule Daylight Dreaming. Liz Hellman est basée à Londres. C'est une compositeure autodidacte, une artiste multidisciplinaire. Elle est représentée ici au Québec par Cool & Stuff Records. On raconte qu'elle s'est toujours intéressée à la musique électronique et à l'art sonore en tant que forme d'expression. Elle aime créer en s'inspirant tout autant de sonorités trouvées que de matériel de synthèse, tout ça considéré, j'ouvre les guillemets, comme une forme d'alchimie sonore, dit-elle. Je ferme les guillemets. Liz Hellman est également photographe et commissaire dans le domaine des arts visuels et elle a un parcours assez intéressant. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur son site web. Alors, on écoute une pièce éponyme de cet album. Ça s'intitule Daylight Dreaming de Liz Hellman. Alors maintenant, sur un tout autre registre, je vous propose l'écoute d'un carnet de voyage sonore intitulé « Le jeu des miroirs de Cali ». C'est un projet audacieux, vraiment magnifique, créé par Félix-Antoine Morin. Voici ce qu'il nous raconte d'ailleurs à propos de ce projet de field recording. J'ouvre les guillemets. « Quelques mois d'errance en Inde du Nord à me laisser porter au fil des sons et des ambiances dans lesquelles m'ont plongé les villes dites sacrées. La ferveur religieuse de la population est palpable. Mon voyage s'est poursuivi dans le désert du Thar, à la frontière entre l'Inde et le Pakistan. Comme il m'est interdit d'aller au Pakistan, je pars pour Varanasi, Benares, anciennement. Alors, considérée comme l'une des plus anciennes cités, on la surnomme « Ville de la mort ». L'endroit ne laisse pas indemne, à la vue de tous les corps qui y sont brûlés par centaines. Les cérémonies de crémation rythment les journées. De retour à Montréal, je me suis plongé dans les enregistrements sonore pour faire revenir l'expérience de ces scènes passées. Alors on écoute de Félix-Antoine Morin un extrait de « Les jeux de miroir de Cali », c'est tiré de la partie numéro 1. Alors, on clôture l'émission de ce soir avec la dernière création de l'ensemble Super Musique, un album intitulé « Les porteuses d'eau ». C'est un projet qui regroupe des œuvres de trois compositrices majeures de la création sonore et musicale actuelle du Québec et du Canada, on va dire ça comme ça, Lisa Kay Miller, Joanne Etu et Danielle Palardy, les deux dernières qui œuvrent au sein de Super Musique à Montréal. Le titre de l'album évoque la force et la persévérance de ces musiciennes improvisatrices à réinventer la nouvelle musique expérimentale. Le critique Philippe Desjardins souligne d'ailleurs qu'il y a une dimension théâtrale à ce nouvel album qui donne l'impression que les instruments sont des comédiens. On reconnaît des inspirations provenant de la musique brutiste et des dessins animés en noir et blanc, deux éléments qui se combinent parfaitement avec l'improvisation. Et c'est toujours là Philippe Desjardins qui parle, et je referme les guillemets. Alors, on écoute ensemble la pièce de Danielle Palardy-Roger qui s'intitule « En arrivant par le nuage de Horte ». On raconte d'ailleurs de cette pièce qu'elle est une brève évocation du trajet que nous aurions à faire si nous partions du nuage de Horte pour aller vers le soleil. Alors, c'est de la poésie pour astrologues et astrophysiciens. Eh bien, voilà ce qui complète la croche-oreille pour ce soir sur des sonorités de l'ensemble Super Musique et une pièce de Daniel Palardy-Roger. Cela dit, je vous invite à joindre lacrocheoreille.wordpress.com pour nous écouter en balado-diffusion et prendre connaissance des pièces au programme de ce soir. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche 21h, sur les ondes de CKRL pour une autre aventure sonore. Et d'ici là, comme à l'habitude, eh bien, soyez attentifs au son autour de vous. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.